Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte cette semaine pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission sur la 9e partie du cinéma fantastique, nous allons parler aujourd'hui des derniers mélanges du genre. Il en reste 3 et nous terminerons cette chronique par un rapide résumé des 9 dernières parties du cinéma fantastique. Ceci sera donc la 10e et dernière partie. Commençons donc tout de suite par le western fantastique. Genre antinomique, absolument opposé, le western et le fantastique ont pourtant été associés dans plusieurs films. Des westerns ont incorporé des éléments irrationnels, mystérieux ou encore surnaturels, autant dans des films à petit budget comme Billy the Kid contre Dracula de William Bodine sorti en 1966 ou Jesse James contre Frankenstein de William Bodine également, sorti en 1966 également, que dans la série à succès Les Mystères de l'Ouest, diffusée entre 1965 et 1969, et dans les western spaghetti, qui sont, je le rappelle, les westerns italiens pour vulgariser. Dans Django, Sergio Corbucci affuble son héros d'un cercueil qu'il transporte durant tout le film, et dont le contenu est révélé seulement dans la fusillade finale dans le cimetière. Autre western spaghetti évoquant par son ambiance le fantastique est Blind Man, le justicier aveugle, de Ferdinando Baldi. Le célèbre acteur de western et réalisateur Clint Eastwood mêle le fantastique dans deux de ses westerns, L'homme des hautes plaines et Pale Rider, où le héros est accompagné d'une part de mystère. Dans le cinéma fantastique, certains films font référence au western par les paysages ou les codes formels comme la vallée de Gwangi ou des cow-boys capture au lasso un Allosaurus animé par Ray Harryhausen ou Monde Ouest situé dans un parc d'attractions reconstituant l'univers du Far West avec un robot humanoïde à l'apparence de cow-boy qui se détraque et tue des visiteurs. Pour ce rôle, Yul Brynner reprend l'apparence de Chris qu'il jouait dans le célèbre film Les Sept Mercenaires. Autre film, ou plutôt autre saga, que nous pourrions également mettre dans la catégorie du western fantastique est la saga des Star Wars, de par l'apparence de Harrison Ford, jouant le rôle d'Han Solo, qui est habillé à la manière d'un cow-boy de Far West. Autre mélange de genres que nous allons aborder tout de suite, le peplum est fantastique. Le peplum, genre né en Italie, que nous aborderons dans une prochaine chronique, est principalement consacré à l'évocation de l'histoire antique grecque et romaine et se rattache au genre du cinéma historique. Cependant, il regroupe aussi des films mettant en scène les récits mythologiques ou bibliques, ou qui associent des éléments fantastiques et surnaturels. Dans la filmographie, on y retrouve des récits tirés de la Bible, comme Samson et Dalila, de l'Odyssée, comme Ulysse, ou librement inspirés de la mythologie, comme la série des Hercules avec Steve Reeves. L'un des personnages représentatifs du peplum et fantastique est Massiste, que plusieurs réalisateurs italiens font évoluer dans des ambiances fantastiques. Depuis Massiste aux Enfers, film muet réalisé par Guido Brigone en 1925, jusqu'à Massiste en Enfer de Riccardo Freda, sorti en 1962. Ray Harryhausen participe aux effets spéciaux de deux peplums fantastiques, celui de Don Chaffee, Jason et les Argonautes, considéré comme son chef-d'œuvre, et Le Choc des Titans, version de 1981. Dernier mélange de genre, le fantastique érotique. Dans la littérature, le fantastique a entretenu une part d'érotisme dans des œuvres comme Le Portrait de Dorian Gray ou Le Dracula de Bram Stoker. Mais c'est surtout à partir des années 60 que l'érotisme s'impose dans le cinéma fantastique, avec les productions de la Hammer qui se démarquent alors des productions hollywoodiennes contraintes par les restrictions du code Eyes de censurer les passages érotiques. La nudité, d'abord suggérée au début de la production de la Hammer, devient plus explicite dans les années 70. Les films pornographiques et érotiques vont souvent reprendre des thèmes et des figures comme Dracula, le monstre de Frankenstein ou encore le Dr Jekyll, ou donner des versions érotiques ou pornographiques de films fantastiques, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en 1968, renommé 2069, A Sex Odyssey, sorti en 1974. Monde Ouest, sorti en 1973, a aussi droit à sa version érotique, intitulée Sex World, sorti en 1978, ou encore Star Wars, qui a également eu droit à sa version plus dénudée, intitulée Sex War, sorti en 1985. Dernière partie de cette chronique, le résumé des 9 parties précédentes. Lors des premières parties, nous avions parlé de la définition et des délimitations du cinéma fantastique en parlant notamment du fantastique et science-fiction, du fantastique et horreur et du fantastique et merveilleux. Ensuite, nous avions parlé de l'histoire du cinéma fantastique avec les précurseurs du muet, de l'expressionnisme allemand, du fantastique muet dans le reste de l'Europe, du fantastique hollywoodien du muet au parlant, du fantastique onirique de la Seconde Guerre mondiale, des monstres et mutants de l'ère atomique, du renouveau du fantastique au Royaume-Uni, de l'apogée du gothique, du réalisme fantastique des années 60 et 70, du gore et du slasher, qui constituent le renouvellement des mythes de l'horreur, de l'anticipation et post-apocalyptique, de la vogue de l'heroic fantasy, des blockbusters et remakes, de la nouvelle vague du fantastique au tournant des années 2000. Nous avions également parlé de la thématique et des thèmes le plus souvent abordés dans les films fantastiques. Souvenez-vous, nous avions parlé du bien, du mal, de la possession, du double, du dédoublement, de la monstruosité, de l'autre, du gigantisme, de la bestialité, de la folie, du délire, de la métamorphose, de la mutation et de l'invention. Nous avons également abordé les formes et les conventions du genre le plus souvent présentes dans ce type de film. La nuit et l'obscurité, les climats et le cri et l'hurlement symbolisant la peur. Ensuite, dans la continuité, nous avions parlé des figures et archétypes les plus souvent présentés dans les films de ce genre. Je parle bien sûr du vampire comme Dracula, dont l'acteur le plus connu est Bela Lugosi, du loup-garou, du savant fou, de la créature comme le monstre de Frankenstein, dont l'acteur le plus connu est Boris Karloff, du diable, de l'enfant, des automates, des poupées et des marionnettes vivants grâce au ventriloque, du fantôme, du revenant, du zombie, du mort-vivant et de la momie. Dans la partie suivante, il était question des cadres et environnements comme les cimetières, les cryptes, les tombes, les bois, les forêts, les édifices qui jouent un grand rôle dans le cinéma fantastique et d'horreur, les deux genres se rejoignant. Pour augmenter cette ambiance plutôt macabre, des procédés et des techniques viennent renforcer ce côté. Les effets spéciaux de plus en plus élaborés, les maquillages également de plus en plus élaborés, comme par exemple dans La planète des singes, ou dans La Belle et la Bête avec Jean Marais, qui devait porter des vrais poils sur son visage et tout son corps pour jouer le rôle de la bête, les effets sonores, les musiques, les mises en scène de plus en plus effrayantes. Et enfin, nous avions abordé les mélanges des genres dans l'avant-dernière partie et dans la dernière partie que vous écoutez actuellement. Ces mélanges, je le rappelle, sont notamment l'animation fantastique, la comédie fantastique comme les Ghostbusters ou Beetlejuice, le western fantastique, le peplum est fantastique, et le fantastique érotique. C'est ainsi que se termine cette 10e et dernière partie sur le cinéma fantastique. Oui, nous en avons enfin terminé avec le cinéma fantastique. La semaine prochaine, nous aborderons un tout autre style plutôt plaisant, mais je ne vous en dis pas plus, voulant volontairement garder le mystère. Comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de la Cristoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Guimauzo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.